on a quand même intérêt à peut-être passer par des intermédiaires. Si l'on arrive, si l'on est dans un village où l'on n'est pas implanté du tout, bon, je crois qu'on a peut-être intérêt à passer par des intermédiaires, enfin, essayer de voir des gens qui en connaissent d'autres et qui ont une connaissance assez large du pays. Bon, c'est peut-être l'instituteur, le curé, les notables, c'est évident, mais je crois surtout qu'il faut bien se méfier de ne pas se laisser enfermer dans les réseaux que peuvent donner tel ou tel notable, quel qu'il soit honnête ou pas honnête, qu'il soit sérieux ou pas sérieux. Je crois qu'il faut surtout, je crois qu'il faut passer par eux parce que ça peut être intéressant, mais il faut bien éviter de rester trop prisonnier des réseaux qu'ils peuvent donner. Alors moi je pense que dans la plupart des cas, même si l'on a des informations au départ, même si l'on a des pistes au départ, les pistes, après, on les trouve tout seul, et c'est à force de naviguer d'une personne à l'autre que l'on voit qui est intéressant pour le genre de conversation que l'on veut avoir, et qui est moins intéressant, et au bout de quelques jours, ça se décante, je pense, assez facilement. Enfin, c'est pour ça que je dirais qu'il n'y a pas de recette véritable. Il faut surtout éviter les recettes, justement. Oui, il faut éviter les recettes. Mais c'est évident que ça peut être intéressant. Non, je parlais des notables. Je disais qu'il faut s'en méfier, mais en revanche, on peut aussi les interroger. Enfin, je crois qu'il est bon d'avoir un discours multiple. Lorsqu'on essaye de faire l'ensemble des problèmes concernant la culture d'une communauté, ou bien même si c'est des thèmes beaucoup plus précis comme le jeu, je crois qu'il est, et ça on y insiste dans le livre quand même un petit peu, il est nécessaire d'avoir des approches très diverses. Et les informateurs, bon, on le dit, dans une commune, il faut qu'ils soient très diversifiés. Bon, il ne s'agit peut-être pas d'un échantillon sociologique véritablement de la commune, mais il faut quand même qu'il y ait des gens de différentes sortes, et en particulier, bon, plusieurs générations, ça me paraît indispensable, hommes et femmes aussi, c'est évident, des gens du centre de la commune, enfin de l'agglomération et des gens des hameaux, des écarts, ça me paraît tout à fait essentiel aussi. Et aussi, j'y fais allusion tout à l'heure, des gens qui ont toujours vécu dans la commune et des gens qui n'y ont pas toujours vécu, qui ont roulé un peu leur bosse de partout et qui ont une autre expérience, ou bien surtout des gens qui sont nés ailleurs mais qui sont venus dans la commune pour se marier, par exemple. Parce que je disais qu'il n'y a pas de culture au singulier, il y a des cultures au pluriel, ça me paraît fondamental. Les interférences culturelles, c'est une donnée de fait. C'est une donnée de fait de la vie d'une région, qu'on le déplore ou non, peu importe, mais il n'y a pas de culture pure, comme il n'y a pas de race pure, il n'y a pas de culture pure. Je crois que ça, c'est tout à fait fondamental. Et il faut être à même, précisément, de connaître, de démêler un peu cette diversité qu'il y a.